Chapitre 5. L'Observatoire. Deux fois seulement dans sa vie, Ophélie avait eu l'opportunité de rencontrer l'esprit de sa famille. Elle ne se rappelait pas la première, à l'occasion de son baptême. Elle n'était alors qu'un lange pleurnicheur qui avait arrosé la doyenne de larmes et d'urine. La seconde fois, en revanche, avait imprimé un vif souvenir dans sa mémoire. À 15 ans, elle avait remporté le concours de lecture organisé par la Compagnie des sciences grâce à un bouton de chemise. Il l'avait ramenée plus de 3 siècles en arrière et lui avait livré les frasques de son propriétaire dans les moindres détails. Artémis, en personne, lui avait alors remis le grand prix, ses premiers gants de liseuse, ces mêmes gants usés jusqu'à la corde dont elle grignotait ce soir les coutures tout en descendant du fiacre. Un vent glacé fit claquer son manteau. Ophélie demeura immobile, souffle coupé, écrasée par la voûte formidable du dôme blanc dont le long télescope éborgnait la nuit. L'observatoire d'Artémis n'était pas seulement un centre de recherche en astronomie, en météorologie et en mécanique des roches. C'était une merveille architecturale. Serti dans un écrin de parois montagneuses, le palais comptait une dizaine d'édifices destinés à abriter les grands instruments. Du cercle méridien à la lunette équatoriale en passant par l'astrographe et le pavillon magnétique. Le fronton du bâtiment principal, frappé d'un cadran solaire noir et or, dominait de toute son altitude la vallée où scintillaient les lumières nocturnes de la bourgade. Ce spectacle était plus impressionnant encore que dans le souvenir d'Ophélie. Elle offrit son bras à la doyenne qui peinait à descendre du marchepied. C'était plutôt là le devoir de l'homme, mais Thorne avait réquisitionné les banquettes du fiacre pour ouvrir sa valise. Les yeux encaissés sous des sourcils sévères, il agissait à sa convenance, sans se soucier le moins du monde de ces femmes dont il était l'invité d'honneur. Sur la terrasse de l'observatoire, un savant, galvanisé, courait après son haute forme qui roulait entre deux rangées de colonnes. « Excusez-moi, savant père !» l'apostropha la mère d'Ophélie en maintenant d'une main son beau chapeau à plumes. « Vous travaillez ici ?»« Absolument. » L'homme avait renoncé à son haute forme pour redresser vers elle un front large que fouettait sa houppette. « Un vent magnifique, n'est-ce pas ? » s'exalta-t-il. « Absolument magnifique. Ça nous a nettoyé le ciel en une demi-heure. » Soudain, il fronça les sourcils. Grossi par son lorgnon, son œil suspicieux ricocha sur les trois femmes, puis sur le fiacre, garé devant l'entrée principale, où l'ombre immense de Thorne s'affairait à déballer sa valise. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« Une audience, fils, » intervint la doyenne. Elle s'appuyait de tout son poids au bras d'Ophélie. « Impossible, absolument impossible, revenez demain !» Le savant brandit sa canne vers la nuit, pointant les nuages qui s'effilaient dans le vent comme des toiles d'araignée. « Première éclaircie nocturne depuis une semaine. Artémis est débordée, absolument débordée. »« Ce ne sera pas long. » Thorne avait lâché cette promesse en s'extrayant du fiacre, une cassette sous le bras. Le savant repoussa vainement la houppe de cheveux qui folâtrait devant ses yeux. « Quand bien même vous n'en auriez que pour une fraction de seconde, je vous le répète, c'est absolument impossible. Nous sommes en plein inventaire. 4e réédition du catalogue Astronomiae Instauratae Mechanica. C'est absolument prioritaire. » « 6 !» exulta Ophélie en son fort intérieur. Elle n'avait jamais entendu autant de « absolument » à la file. Thorne avala en 2 longues enjambées les marches du perron et se dressa de toute son altitude devant le savant qui recula aussitôt d'un pas. Le vent hérissait les mèches pâles de ce grand épouvantail et étirait les lacets de sa fourrure, dévoilant la crosse d'un pistolet à sa ceinture. Le bras de Thorne se déplia. Ce mouvement brusque arracha un sursaut au savant, mais c'était une simple montre à gousset qu'il venait de lui brandir sous le nez. « 10 minutes, pas une de plus. Où puis-je trouver Madame Artémis ?» Le vieillard désigna de sa canne le dôme principal. Une fente l'entaillait comme une tirelire. « À son télescope !» Thorne fit claquer ses talons sur le marbre, sans un regard en arrière, sans un remerciement. Rouge d'humiliation sous son gros chapeau à plumes, la mère ne dérageait pas. Aussi se vengea-t-elle sur Ophélie quand celle-ci dérapa sur une plaque de gel, manquant d'entraîner la doyenne dans sa chute. « Et toi, tu ne guériras donc jamais de cette maladresse. Tu me couvres de honte. » Ophélie chercha ses lunettes à tâtons sur les dalles. Lorsqu'elle les enfila, la grosse robe de sa mère lui apparut en triple. Les verres étaient cassés. « Et cet homme qui ne nous attend pas ?» gronda la mère en empoignant ses jupes. « Monsieur Thorne, ralentissez l'allure !» Sa petite cassette sous le bras, Thorne pénétra dans le vestibule de l'observatoire en faisant la sourde oreille. Il avançait d'un pas martial et ouvrait toutes les portes qui lui tombaient sous la main sans jamais frapper. Sa stature surplombait le balai des savants qui grouillaient à travers les corridors et qui commentaient d'une voix forte les cartes de constellation. Ophélie suivait le mouvement, le nez dans son écharpe. Elle ne voyait plus de Thorne qu'une silhouette fractionnée en morceaux. Il se dressait si haut dans sa fourrure hirsute que de dos, il ressemblait à s'y méprendre à un ours polaire. Elle savourait franchement la situation. L'attitude de cet homme était si outrageante que ça paraissait presque trop beau pour être vrai. Comme Thorne s'engageait dans un escalier en spirale, Ophélie prêta encore son bras à la doyenne pour l'aider à monter les marches. « Puis-je vous poser une question ?» lui souffla-t-elle. « Tu peux, fille ?» sourit la doyenne. Un savant qui descendait l'escalier en trombe les bouscula sans s'excuser. Il s'arrachait les cheveux en hurlant comme un damné qu'il ne s'était jamais trompé dans ses calculs et que ce n'était pas cette nuit que ça commencerait. « Combien d'affronts notre famille devra-t-elle essuyer avant d'envisager une remise en question des fiançailles ?» demanda Ophélie. Sa question jeta un froid. La doyenne retira sa main du bras qu'elle lui offrait. Elle remonta sur sa tête sa mantille noire de façon qu'il n'en dépassa plus que le bec de son nez et un sourire sillonné de rides. « De quoi te plains-tu, fille ? Ce jeune garçon m'a l'air tout à fait charmant. » Perplexe, Ophélie contempla la forme noire et rabougrie de la doyenne qui se hissait laborieusement d'une marche à l'autre. Se moquait-elle donc, elle aussi ? La voix maussade de Thorne résonna dans la rotonde où il venait de pénétrer. « Madame, votre frère m'envoie auprès de vous. » Ophélie ne voulait pas manquer l'entrevue avec Artémis. Elle se dépêcha de franchir la porte de métal où chancelait encore cet écriteau. Ne pas déranger, observation en cours. Elle battit des cils derrière ses lunettes cassées tandis qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité. Elle entendit comme un froissement d'ailes devant elle. C'était sa mère, de plus en plus courroucée, qui avait sorti son éventail pour se rafraîchir les idées. Quant à Thorne, elle ne distingua sa fourrure hérissée de griffes que lorsque les ampoules murales s'allumèrent, degré par degré. « Mon frère, lequel donc ?» Ce murmure rauque, qui évoquait davantage le raclement d'une meule qu'une voix de femme, avait rebondi à travers toute l'armature métallique de la salle. Ophélie chercha sa provenance. Elle suivit des yeux les passerelles qui montaient en spirale autour de la coupole, puis redescendit le long du canon de cuivre dont la focale embrassait près de 6 fois sa taille. Elle trouva Artémis recourbée contre la lentille du télescope. Elle la voyait éclater en 3 morceaux. Il lui faudrait soigner ses lunettes dès que possible. L'esprit de famille s'arracha lentement au spectacle des étoiles, dénoua chacun de ses membres, chacune de ses articulations jusqu'à dépasser Thorne lui-même et de haut. Artémis couva un long moment des yeux cet étranger venu troubler sa contemplation du ciel et qui ne sillait même pas sous le poids de son regard. Quelques années avaient filé depuis ses 15 ans, mais Ophélie se sentit aussi indisposée par l'apparence d'Artémis que le jour où elle lui avait remis son premier prix. Non pas qu'elle fût laide, car en vérité, sa beauté avait quelque chose de redoutable. Sa chevelure rousse s'évadait de sa nuque en une torsade négligée et ruisselait sur les dalles de marbre autour de ses chevilles nues, comme un fleuve de lave en fusion. Le galbe gracieux de son corps éclipsait les plus belles adolescentes de toute l'arche. Sa peau Une chair si blanche et si souple qu'elle semblait liquide vue de loin se coulait sur les lignes parfaites de son visage. L'ironie du sort voulait qu'Artémis méprisa cet éclat surnaturel dont la nature l'avait paré et que tant de coquettes lui enviaient. Aussi ne faisait-elle confectionner pour sa taille de géante que des habits d'homme. Cette nuit, elle portait une redingote de velours rouge ainsi que de simples hautes chausses qui laissaient ses mollets dénudés. Ce n'étaient pas ses manières hommasses non plus qui mettaient mal à l'aise Ophélie. Désagrément insignifiant en regard de tant de splendeur, non, c'était autre chose. Artémis était belle, mais d'une beauté froide, indifférente, presque inhumaine. La fente de ses yeux, laissant entrevoir deux iris jaunes, n'exprimait rien pendant qu'elle dévisageait longuement Thorne, ni colère, ni ennui, ni curiosité, juste une attente. Au bout d'un silence qui sembla durer une éternité, elle se fendit d'un sourire vide de toute émotion, ni bienveillant ni mauvais. Un sourire qui n'avait de sourire que la forme. « Vous avez l'accent et les manières du Nord. Vous êtes de la descendance de Farouk. » Artémis se pencha en arrière dans un long mouvement gracieux. Le marbre jaillit du dallage comme une fontaine pour lui offrir un siège. De tous les animistes qui peuplaient l'arche, personne n'était capable d'un tel prodige, pas même la lignée des forgerons qui tordaient le métal d'une simple pression du pouce. « Et que me veut-il, mon cher frère ? » demanda-t-elle de sa voix très rauque. La doyenne s'avança d'un pas, releva sa robe noire pour lui faire une révérence et répondit « Le mariage, belle Artémis, vous vous rappelez ?» Les yeux jaunes d'Artémis roulèrent vers la vieille femme en noir, puis vers le chapeau emplumé de la mère qui s'éventait d'un geste fébrile avant de plonger droit sur Ophélie. Celle-ci frissonna, ses cheveux humides se collant à ses joues comme des algues. Artémis, dont elle ne voyait qu'une image trouble et segmentée, était son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et il manquait certainement encore un arrière ou deux. De toute évidence, son aïeul ne la reconnaissait pas. L'esprit de famille ne reconnaissait jamais personne. Elle ne se souciait plus depuis longtemps de mémoriser les visages de toute sa descendance, des visages trop éphémères pour cette déesse sans âge. Ophélie se demandait parfois si Artémis avait été proche de ses enfants, jadis. Ce n'était pas une créature très maternelle, elle ne sortait jamais de son observatoire pour se mêler à sa progéniture, et elle avait délégué depuis longtemps toutes ses responsabilités aux doyennes. Ce n'était pas entièrement sa faute, néanmoins, si Artémis avait si peu de mémoire. Rien ne se fixait durablement dans son esprit. Les événements lui coulaient dessus, sans persister. Cette prédisposition à l'oubli était sans doute la contrepartie de son immortalité. Une soupape de sûreté pour ne pas sombrer dans la folie ou le désespoir. Artémis ne se connaissait pas de passé. Elle vivait dans un éternel présent. Nul ne savait ce qu'était sa vie avant de fonder sa propre dynastie sur Anima, plusieurs siècles en arrière. Pour la famille, elle était là, elle avait toujours été là, elle serait toujours là. Et il en allait ainsi pour chaque arche et pour chaque esprit de famille. D'un mouvement nerveux, Ophélie remonta sur son nez ses lunettes abîmées. Quelquefois, malgré tout, elle se posait cette question. Qu'étaient réellement les esprits de famille et d'où venaient-ils? Que le sang d'un phénomène comme Artémis coula dans ses propres veines lui semblait à peine croyable, et il coulait pourtant, propageant son animisme à la lignée entière, sans jamais se tarir. « Oui, je me rappelle, » acquiesça enfin Artémis. « Comment vous nommez-vous donc, ma fille ?»« Ophélie. » Il y eut un reniflement dédaigneux. Ophélie regarda Thorne. Il lui tournait le dos, aussi raide qu'un grand ours empaillé. Aussi ne pouvait-elle pas voir l'expression de sa figure, mais elle ne douta pas que ce reniflement vînt de lui. Son petit filet de voix ne lui avait visiblement pas plu. « Ophélie, » dit Artémis, « je vous présente mes félicitations pour votre mariage et je vous remercie de cette alliance qui renforcera les rapports cordiaux entre mon frère et moi-même. » C'était une formule de circonstance, sans enthousiasme, prononcée pour le seul souci du protocole. Thorne se dirigea vers Artémis et lui offrit sa cassette de bois laqué. Approcher de près cette sublime créature capable de tourner la tête à un cortège de vieux savants le laissait parfaitement de marbre. « De la part du seigneur Farouk. » Ophélie consulta sa mère d'un coup de lunette. Serait-elle censée remettre elle aussi un hommage à l'esprit de sa belle famille le jour de son arrivée au pôle ? À la lippe stupéfaite que sa mère allongeait, du bout de ses lèvres maquillées, elle comprit qu'elle se posait la même question. Artémis accepta l'offrande d'un geste nonchalant. Sa figure, jusqu'alors impassible, se contracta légèrement dès qu'elle sonda de la surface de sa peau le contenu de la cassette. « Pourquoi ?» demanda Artémis à travers ses paupières mi-closes. « J'ignore ce que contient cette cassette, » l'informa Thorne en s'inclinant avec beaucoup de raideur. « Je n'ai par ailleurs aucun autre message à vous transmettre. » L'esprit de famille caressa le bois laqué d'une main pensive, posa de nouveau ses yeux jaunes sur Ophélie, parut sur le point de lui dire quelque chose, puis haussa une épaule avec désinvolture. « Vous pouvez disposer, vous tous. J'ai du travail. » Thorne n'avait pas attendu de bénédiction pour tourner les talons, montre en main et redescendre l'escalier de son pas nerveux. Les trois femmes prirent hâtivement congé d'Artémis et se dépêchèrent de le suivre par crainte qu'il ne poussât la grossièreté jusqu'à lancer le fiacre sans elle. « Par les ancêtres, je refuse de céder ma fille à ce rustre !» La mère avait explosé dans un chuchotis furieux au beau milieu d'un planétarium où une foule de savants palabrait sur le prochain passage de la comète. Thorne ne l'entendit pas. Sa fourrure d'ours mal léchée avait déjà quitté la salle obscure où les mécaniques des globes ronronnaient comme des rouages d'horlogerie. Le cœur d'Ophélie sauta dans sa poitrine, palpitant d'espoir, mais la doyenne lui ôta toutes ses illusions d'un simple sourire. « Un accord a été conclu entre deux familles, fille. Il n'est personne, hormis Farouk et Artémis, qui puisse revenir dessus sans déclencher un incident diplomatique. » Le gros chignon de la mère s'était défait sous son beau chapeau et son nez pointu violaçait à vue d'œil malgré les couches de fard. Oh oui, mais tout de même, mon magnifique repas !» Ophélie se renfrogna dans son écharpe en suivant des yeux le balai des astres sous la voûte du planétarium. Du comportement de son fiancé, de sa mère et de la doyenne, elle n'arrivait pas à déterminer lequel était le plus crispant. « Si, par hasard, vous me demandez mon avis, » murmura-t-elle, « personne ne te le demande. » La coupa la doyenne avec son petit sourire. Dans d'autres circonstances, Ophélie n'aurait pas insisté. Elle tenait trop à sa tranquillité pour débattre, argumenter et faire valoir sa position. Mais ce soir, c'était du restant de son existence qu'il était question. « Je vous le donne tout de même, » dit-elle. « Monsieur Thorne n'a pas plus envie de s'enchaîner à moi que moi à lui. Je pense que vous avez dû commettre une erreur quelque part. » La doyenne s'immobilisa. Sa silhouette, toute tordue d'arthrite, se redressa lentement, grandit encore et encore tandis qu'elle se tournait vers elle. Sous l'entrelac des rides, le sourire bienveillant avait disparu. L'iris d'un bleu fade à la frontière de la cécité se plantèrent dans ses lunettes avec une telle froideur qu'Ophélie en fut abasourdie. La mère d'Ophélie elle-même se décomposa en assistant à cette métamorphose. Ce n'était plus une vieille femme rabougrie qui se dressait devant elle dans ce tourbillon de savants surexcités. C'était l'incarnation de l'autorité suprême sur Anima. la digne représentante du conseil matriarcal, la mère parmi les mères. « Il n'y a aucune erreur, » dit la doyenne d'une voix glaciale. « Monsieur Thorne a introduit une demande officielle pour épouser une animiste. Parmi toutes les jeunes filles à marier, tu es celle que nous avons choisie. » Il semblerait que Monsieur Thorne n'apprécie guère votre choix, observa tranquillement Ophélie. Il devra s'en satisfaire. Les familles ont parlé. Pourquoi moi? Insista Ophélie sans se soucier du visage catastrophé de sa mère. Vous me punissez? C'était sa conviction profonde. Ophélie avait refusé trop de propositions, trop d'arrangements. Elle dissonnait parmi toutes ses cousines qui étaient déjà mères de famille et cette fausse note déplaisait. Les doyennes se servaient de cette alliance pour faire un exemple. La vieillarde enfonça son regard pâle tout au fond de ses lunettes, par-delà les verres brisés. Quand elle ne se recroquevillait pas sur elle-même, elle était plus grande qu'Ophélie. « Nous t'accordons une dernière chance. Fais honneur à notre famille, gamine. » Si tu échoues à cette tâche, si tu fais échouer ce mariage, je te jure que tu ne poseras jamais plus les pieds sur Anima.